je vais prendre la suite directe de l'intervention précédente, puisque ma communication est centrée sur l'articulation, on va dire, des échelles, ou plutôt les difficultés d'articulation autour du transport et des patrimoines, et du patrimoine, dans une perspective de développement local, et à partir de l'exemple de Fiumicin, des questions qui nous occupent, hein, c'est-à-dire à la fois le transport comme patrimoine, et le transport comme condition d'accessibilité au patrimoine. Et en préparant cette communication, pour les Français, ça va peut-être parler, ce film, L'Arbre Mère et la médiathèque, mais ça m'est souvent revenu, c'est un film de Romer, où on est dans ce dilemme sur les possibilités de valorisation, parce que ici, l'arbre, c'est le port, Trajan, le maire, mais il y a aussi la région, on vient de l'entendre, et la médiathèque, c'est pas n'importe quoi, puisque ici, en l'occurrence, on est sur une... à l'évidence sur un territoire métropolitain. Ça, c'est le point de départ de cette interrogation. La primauté de l'échelle nationale et même internationale. On est ici sur le principal hub italien, l'aéroport Leonardo da Vinci. Et en plus, un hub gagné de haute lutte, je dirais, puisque à la fin des années 2000, ça n'avait rien d'évident que Rome l'emporte sur Milan, j'en reparlerai, mais c'est plutôt une victoire, entre guillemets, de Rome dans la concurrence métropolitaine italienne. Et là-dessus se greffe, donc ce que vous avez là, ce projet d'agrandissement, ce projet même de doublement de l'aéroport Leonardo da Vinci, validé en toute dernière minute par le gouvernement Monti, juste avant son départ. C'est le dernier décret signé, c'est le point de lancement de cette affaire. Donc, à l'évidence, ici, on n'est pas du tout sur du local. On est sur du national et de l'international. Mais les expropriations auraient déjà dû commencer, et pour le moment, on ne sait pas. L'autre point de départ, si je puis dire, c'est Rome. C'est une ville mondiale parmi tant d'autres villes mondiales, mais pas n'importe laquelle. C'est certainement, à l'échelle du globe, l'une de celles qui peut le plus jouer sur le fait qu'elle est attractive par son patrimoine, par son passé historique, par son influence culturelle. Et dans la compétition métropolitaine, c'est la carte maîtresse de Rome. Ce n'est pas seulement le fait d'être la ville du Vatican, la capitale italienne, mais c'est la ville patrimoniale. Et le comble, si je puis dire, c'est que tout ça se rencontre sur ce territoire local de Fiumicin, puisque Fiumicin, c'est un hub international sur le principal hub de l'Empire romain. Puisque ce fameux port de Trajan qu'on voit ici, c'est quand même quelque chose qui est comparable à Shanghai ou à Rotterdam aujourd'hui. On est vraiment sur quelque chose d'immense à l'échelle mondiale. Le tout, on le voit un peu ici, dans un jardin. Et les jardins, aujourd'hui, à Rome, c'est une problématique d'accès à l'espace public, de création de luoghi di aggregazione, de création de citadinité. C'est un enjeu extrêmement important dans une ville qui est marquée par une très forte conflictualité sur qu'est-ce que c'est que le bien commun, qu'est-ce que c'est que l'espace public. Et du coup, c'est pour ça que cette affaire-là m'interpelle, moi, un peu par déformation professionnelle, parce que je m'occupe d'un master de développement local, et on est à l'évidence sur un énorme potentiel, et en même temps, une grande difficulté à articuler toutes ces affaires ensemble dans une perspective de développement local. Et s'ajoute à cela, dernier point de départ, si je puis dire, ce qu'on le prend du point de vue d'une périphérie, puisque le territoire dont je vais vous parler, c'est Fiumicin. Une petite partie de la zone qui nous intéresse, mais qui, sans aucun doute, est une périphérie métropolitaine, fondamentalement, une banlieue. Une commune créée récemment, en 1992, et dont vous voyez ici que sa population a vraiment connu une croissance extrêmement impressionnante. On en est aujourd'hui à 77 000 habitants, donc c'est à peu près comparable à ici, mais au moment où elle s'est créée, on était dans les 40 000 habitants. Et bon, voilà, une périphérie, c'est-à-dire que pour les Romains, Fiumicin, c'est Auchan, c'est le multisalle de Parco Leonardo. Et puis j'ai trouvé ce commentaire sur Google là, à propos de l'oasis de Porto, Bellissimo scorcio del litorale romano, dove meno te lo aspetti. On est dans une périphérie, fondamentalement. Et donc, du coup, voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est cette dissymétrie entre l'aspect international et le fait qu'on le gère du point de vue d'une commune jeune de périphérie, avec par-dessus le marché un conflit ouvert entre toutes ces échelles. Et ça, c'est une situation très classique aujourd'hui. On en a parlé ce matin à propos d'ici même. Hein, vous avez un conflit sur le port et la patrimonialisation ou pas du site. Et c'est une problématique qui s'est répandue, on va dire, comme une traînée de poudre dans toute l'Europe depuis une bonne trentaine d'années. Hein, j'ai repris ici Arthur Jobert sur qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui faire de l'aménagement du territoire. Bien souvent, aujourd'hui, les chargés de projet se retrouvent à faire une espèce de géopolitique locale pour faire accepter les projets. Est-ce le cas ici? On va voir que ce n'est pas évident. Ce qui est sûr, c'est que la mairie de Fiumicin, actuellement, se déclare de façon très nette en opposition frontale vis-à-vis du doublement du hub. Non pas, alors attention, ce n'est pas qu'ils soient hostiles, évidemment, au hub, ils ne sont pas hostiles à la modernisation, à l'amélioration de l'existant. Mais c'est une position que partage, je crois, la région nationale. Ce qu'ils demandent, c'est quand même plutôt un aéroport de soutien à Fiumicino que le doublement sur place de l'aéroport. En revanche, on le voit aussi sur la citation, ils sont tout à fait favorables à tout ce qu'entreprend, y compris beaucoup de gens qui sont ici, hein, ou qui ont organisé la rencontre d'ici, c'est-à-dire l'ouverture du port de Porto, tout en attendant, en quelque sorte, en étant prêt, mais sans non plus avoir une position activiste très très forte là-dessus. Donc on est ici sur quelque chose qui, à mon avis, est tout à fait emblématique de la façon dont peut se construire, ou peut difficilement se construire, du développement local dans un contexte qui, par essence, est discontinu, qui est le contexte métropolitain. Alors, le but ici n'est pas de tout vous présenter, c'est une recherche qui est un peu en cours, hein, que j'ai commencé à l'initiative. Alors, vraiment, je remercie Catherine Guirlouvet de ce programme de recherche, parce que je trouve ça passionnant. Je vais plutôt me placer, donc, non pas du point de vue des acteurs principaux, qui sont sans aucun doute l'État, la surintendance, et puis la région aussi, hein, du point de vue des acteurs locaux, c'est vous les acteurs principaux. Mais je vais me placer plutôt du point de vue du territoire local, parce que c'est celui qui m'intéresse plus, on va dire, en essayant de voir aussi une toute petite partie des acteurs, parce qu'il y en a énormément. Alors là, j'ai un petit peu rencontré donc, la mairie, et puis donc, alors, ces deux comités là, qui sont intéressants, le Comitato per il Parco Archeologico, qui s'est constitué en parallèle à la programmation européenne dont tu as parlé, et puis le comité Fuori Pista, qui s'est constitué en 2011-2012, au moment, juste avant le décret Monti. Hein. Et donc, il manque beaucoup d'acteurs. Mais enfin bon, on peut déjà se faire une petite idée. Alors, je vais procéder en trois points. L'idée, d'abord, développement local. Bien sûr, on peut reprendre ce que vous avez déjà présenté, hein, qui dit développement local, faire un diagnostic, définir une stratégie. Mais bon, moi, je ne me place pas de ce point de vue-là en tant que chercheuse, on va dire. Il me semble que la question du développement local a rapport à créer, faire territoire. Hein, je vais partir de ça. Et puis, dans un deuxième temps, quelles conséquences ça a, le fait qu'on est dans cette gouvernance métropolitaine extrêmement complexe, mais Rome n'est pas plus complexe que Paris, même plutôt moins, à mon avis. Et puis, je m'arrêterai, si j'ai le temps, quelques instants sur l'échelle européenne qui vient d'être évoquée, parce que moi, je suis plutôt, en tant que chercheuse spécialiste des fonds européens, et c'est un petit peu l'arlésienne dans cette histoire. C'est-à-dire que l'Europe, elle est toujours invoquée dans le cas de Fiumicino, et puis on n'arrive jamais à l'attraper. Et je trouve ça assez intéressant, assez parlant pour justement envisager qu'est-ce que c'est qu'être une périphérie, et non pas au centre de la métropole. Alors, premier point, donc, le développement local ou faire territoire. Ça, c'est peut-être l'approche de base quand on parle de développement local. Je cite Pierre Tesserin, par exemple, un collègue de Paris 13. La définition la plus classique du développement local, c'est enrichir ou révéler, transformer des ressources existantes et diversifier en s'appuyant sur un projet de développement qui mobilise toute ou partie de la population. C'est une définition absolument basique. Ça ne veut pas dire du tout qu'on aurait à l'évidence une concomitance des échecs, c'est un petit peu l'impression qu'on a dans la citation juste à côté, là je cite le Corriere della Sera au moment où s'est mis en place l'archéobus, hein, je crois bien. Voilà, là on a l'échelle mondiale, les Chinois, on a l'échelle locale, la navette, et puis on a même les enfants de Fiumicino, puisque c'est, tout ça est fait, et la visite se fait par les enfants. Bon, tout s'emboîte parfaitement, c'est peut-être pas si simple que ça, mais c'est l'idée en tout cas de valoriser, non pas de créer, mais plutôt de valoriser, de faire émerger de l'existant. Et le patrimoine, dans cette affaire, c'est quelque chose qui est assez ancien en Italie. Hein. Il faut pas... Alors, je cite ici Giovanni Laino, un collègue de Naples qui a écrit récemment un ouvrage sur le développement local. C'est certainement en Italie, parmi d'autres expériences, qu'on a les toutes premières expériences, par exemple, d'utilisation du patrimoine dès le début du XXe siècle, la Nini, par exemple, les découvertes archéologiques en Italie du Sud. C'est une vieille idée, l'idée de valoriser le patrimoine en Italie, c'est absolument pas quelque chose de récent. Et j'ai découvert d'ailleurs récemment qu'à Fiumicino, il y a une des premières écoles Montessori, par exemple, qui s'est créée là. Enfin, l'idée que le développement local, c'est aussi quelque chose qui part du bas, c'est une idée qui a ses racines là. Une autre source importante du développement local en Italie, peut-être plus connue, c'est celle que j'ai mise en dessous de la citation de Giuseppe et de Matteis, l'idée de système territorial de développement, hein, l'idée d'envisager le territoire comme, je cite, des portions de territoire où se trouvent des agrégations volontaires de projets. Alors, je ne vais pas développer ici, tout ça, ça vient beaucoup des districts industriels, hein, de toute cette formalisation née autour du modèle des districts, mais tout ça pour dire qu'en Italie, vraiment, le développement local, c'est quelque chose qui a une longue histoire. Alors, à côté de ça, à l'évidence, de quel local parle-t-on ici? C'est assez difficile de faire émerger ce niveau local, parce que de quel local parle-t-on? On a affaire à une commune en création, en quelque sorte. L'idée même de territoire fait l'objet d'un récit territorial, on en a parlé ce matin, qui vise avant tout à créer le territoire, au sens de territoire institutionnel, territoire politique, qui n'est pas encore une évidence, même pour les intéressés, parce que on est sur une commune née récemment. Alors, avec tous les acteurs convergent là-dessus, que ce soit, enfin ceux que j'ai rencontrés, mais en tout cas, que ce soit la mairie, que ce soit, enfin de tous bords d'ailleurs, j'ai rencontré l'ancien maire, pas le nouveau, mais enfin bon, ils ont à peu près le même discours là-dessus, j'ai rencontré aussi des associations. Il y a toujours l'idée que pourquoi Fiumicino est devenue commune alors qu'elle était circonscription, c'était la 13e circonscription de Rome, c'est parce qu'on se sentait délaissé. Hein, c'était un territoire oublié, les Mosines, enfin bon, il y avait cette idée de voilà, la périphérie aéroportuaire, c'est-à-dire que l'aéroport date de 1960 et ça n'a pas été géré en quelque sorte par la commune centre, et c'est ça le point de départ de la naissance de la ville. Je dis bien ville parce qu'entre-temps elle est devenue ville officiellement, hein, initialement elle se pense plutôt comme un village, mais toujours est-il que, voilà, là, par exemple vous avez ça, c'est la citation, je l'ai reprise dans la salle du conseil municipal de Fiumicino, où vous avez cette reprise donc, de ce comité qui naît en 1975, donc qui va renaître ensuite à peu près dans les années 80, Solo nella piena autonomia comunale può mostrare il suo vero volto. Mais c'est quoi le vero volto de Fiumicino? Bon, on ne sait pas trop. Hein. Il y a aussi une difficulté à partir d'une circonscription énorme, c'est ça aussi là, un point important, hein, plus d'une vingtaine de kilomètres de littoral, 14 localités différentes, à faire simplement se connaître tout simplement ces différentes localités. Et en particulier, quelque chose qui revient tout le temps, c'est le conflit d'intérêts sur lequel travaille aussi l'aéroport, visiblement, entre la zone de Isola Sacra et de Fiumicino Centro, qui est plus liée à l'aéroport, et la zone du Macarese, qui est plus liée à l'agriculture, etc. Donc un contexte de local émergent, de local encore en création, Du coup, un discours identitaire qui est assez redondant, hein, où on insiste beaucoup sur l'héritage de la bonification, par exemple, ça revient souvent, l'héritage des Romagnols, et en même temps, à l'évidence, hein, on est sur une commune, je vous disais, qui a doublé simplement en 25 ans, là, avec, par exemple, 10% d'étrangers, enfin, on est dans une commune de banlieue, quoi, en quelque sorte, et donc il y a cette difficulté à faire vivre un ensemble. Et en particulier, les images que vous avez ici dans le centre, enfin, on voit bien, là, on est, par exemple, sur la photo qui est au milieu, on est vraiment dans l'hypercentre, si je puis dire, de Fiumicino, et c'est un non-centre. Enfin, on se retrouve sur une friche au beau milieu, on est juste à côté du pont du Edjugno, pour ceux qui connaissent. Donc, voilà, on a cette difficulté à penser ce qui est un bout de ville, un bout de métropole, comme un territoire. Alors, est-ce qu'il faut le penser d'ailleurs comme un territoire ? Ça, c'est une question qui n'a pas forcément à avoir une réponse positive. Les communes n'ont pas forcément la vocation de créer de l'identité. Un autre vecteur de patrimonialisation, de valorisation du patrimoine, c'est peut-être plus que créer de l'identité, c'est tout bêtement, je dirais, l'idée qu'aujourd'hui, la culture est devenue un service urbain comme un autre. Et ça, c'est peut-être tout aussi important, peut-être même plus. C'est moins polémique, il ne s'agit pas tant de créer de l'identité que d'offrir un produit parmi tant d'autres produits. Et là encore, j'ai repris une citation de Françoise Lucchini, en l'occurrence, pour vous montrer que c'est une vieille préoccupation, ça fait une bonne trentaine d'années maintenant, et j'ai vu ça aussi dans de différentes communes à Bondy, par exemple, dans la banlieue parisienne. Bondy n'est vraiment pas du tout une commune qui est riche, mais fournir de la culture de base. Et donc là, c'est plutôt le jardin, on le disait tout à l'heure, que les enfants puissent jouer quelque part, qu'il y ait de l'agrégation. C'est ça qui est important, peut-être plutôt que de créer une hypothétique identité. Alors ça se traduit concrètement par le fait que les jeunes de Fiumicino, ils commencent à être bien ratissé, on va dire. Hein, c'est un terrain bien fréquenté. Là, c'est certainement pas exhaustif. Mais du côté de la mairie, moi, j'ai recensé déjà deux projets. Celui actuellement en œuvre, c'est par le service culture, hein, qui s'appelle Articolo 9 de la Costituzione. Donc là, il vise les collégiens. Quelques années avant, sur un programme européen, on avait eu un projet qui avait été fait donc en jumelage avec différents pays européens qui, lui, se basait sur les lycéens. Et puis la Fondation Benetton, de son côté, elle vise les enfants des écoles élémentaires. Donc on a vraiment un public d'enfants qui est particulièrement visé, hein, par ces politiques, on va dire, de... Alors, est-ce que c'est de la territorialisation ? Est-ce que c'est du service culturel ? Bon, c'est quelque part entre les deux, mais en tout cas, ça se construit en partie là-dessus. Alors, cette affaire-là joue sur fond, comme je vous disais tout à l'heure, d'une conflictualité assez forte avec le projet aéroportuaire, et dans une gouvernance métropolitaine qui, comme toutes les gouvernances métropolitaines, à vrai dire, est particulièrement fragmentée, particulièrement complexe, par définition jamais achevée, hein, c'est ça peut-être que la métropole. Et le point de départ là-dessus, c'est quand même de constater qu'on a du mal à assembler les choses. Hein, par exemple, si on prend la valorisation de Porto, il est clair qu'en 2013-2014, on a eu une phase d'exploration. Il y a eu une phase où, semblait-il, tout démarrait, hein, l'archéobot, l'archéobus et que sais-je encore. Enfin bon. Et puis, depuis quelques mois, on est à nouveau dans chaque acteur qui attend le suivant. Du côté de l'aéroport, on n'est pas dans une situation type Notre-Dame-des-Landes en France. Hein, on n'a pas de ZAD, on n'a pas de conflit ouvert. On est plutôt dans... Voilà, c'est plutôt les lettres commandées, le harcèlement juridique. On est dans une espèce de guérilla, quelques manifestations, mais quelque chose de très, très... ténu, mais où en même temps, voilà, l'aéroport, les travaux ont commencé, mais en ce qui concerne l'agrandissement, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Et le tout dans un climat qui est un climat valable, pas pour Fiumicino, mais pour tout Rome tout entière, et même toutes les grandes villes italiennes, un climat de défiance vis-à-vis de la chose publique qui est très important, hein, avec du coup une situation d'incertitude. Alors, quelques pistes d'interprétation sur cette gouvernance métropolitaine. D'abord, donc, comme je vous le disais, là je peux remettre la citation, l'idée que à Rome, comme dans n'importe quelle grande ville européenne, on est ici sur une articulation d'acteurs complexes. Hein. Et ça, c'est assez banal, avec ici quand même un rôle tout à fait prédominant de l'État. Hein, ça, c'est clair, c'est un peu comme Roissy chez nous. L'État, c'est le décideur majeur sur l'aéroport, c'est le décideur majeur aussi sur le parc, puisque la surintendance est quand même une administration d'État, mais avec, du coup, toutes ces incertitudes que mes collègues exprimeraient beaucoup mieux que moi, qu'on a connues ces dernières années et ces derniers mois, sur la géographie de la surintendance qui joue dans cette affaire-là. La région, c'est certainement la deuxième échelle fondamentale, elle aussi, à la fois compétente en matière de transport, hein, c'est un de ses champs majeurs, avec, donc, comme je le disais, elle est plutôt sur la ligne, finalement, de soutien à la ville de Fiumicino, un aéroport de soutien pour les low cost, plutôt que le doublement de l'aéroport de Fiumicino, d'après ce que j'ai compris, et ça, on va le retrouver tout à l'heure sur les fonds européens, mais, en toile de fond, un rapport État-région, qui en ce moment même en Italie est en plein remaniement. Hein, il faut bien voir que l'Italie, des années 90, du début des années 90 jusqu'à en gros la fin des années 2000, c'était une avancée continuelle vers la régionalisation et aussi vers le pouvoir local. Avec la crise et avec les dernières décisions du gouvernement Renzi, on est beaucoup plus dans une phase de recentralisation. Hein, et on verra bien, enfin là c'est quasiment plié maintenant, on sait bien qu'il va y avoir un référendum, mais la réforme constitutionnelle en cours, elle est beaucoup plus dans le sens d'une reprise en main par l'État que dans le sens d'une valorisation des compétences régionales. S'ajoute à ça l'arrivée en scène d'un nouvel acteur, qui est la città métropolitana, la ville métropolitaine, donc ça aussi, c'est quelque chose de tout à fait étonnant, en quelque sorte, non pas étonnant, ça fait depuis 1990 qu'on en parle en Italie, mais l'arrivée de la métropole, l'institution de la métropole, ça s'est fait au même moment qu'en France avec la loi Bactan chez nous, la loi Del Rio en Italie. On a repris tout à fait la province, hein, d'ailleurs on vous a entendu ce matin, hein, et donc du coup il y a toute une partie qui se retrouve réactivée par la città métropolitaine, mais ce nouvel acteur en émergence, il est compétent lui aussi sur les transports, il est compétent lui aussi sur tout ce qui est stratégique, et donc du point de vue d'un territoire comme Fiumicino, voilà, on se retrouve avec un déséquilibre, on le voit bien sur la carte à côté, hein, où j'ai mis toutes les métropoles italiennes. Dans le cas de Rome, la ville-centre avale littéralement les 121 communes de la périphérie. Donc même si Fiumicino est la plus grande ou la seconde plus grande des communes de périphérie, il y a cette incertitude sur qu'est-ce qui va se passer dans ce jeu à trois entre l'État, la région, la métropole. Donc, une première clé de lecture qui serait la complexité inhérente au fait métropolitain. Mais il y a une autre clé de lecture peut-être tout aussi importante, qui est la trop grande simplicité. Alors ça, les Français, à nouveau, vous reconnaissez la publicité, hein, vous me reconnaissez. Les Benetton, vraiment, on les rencontre tout le temps. Ça, c'est impressionnant à quel point on va avoir cette trop grande simplicité. Alors j'ai mis ici aussi une formule de Silvio Berlusconi, parce que ça m'avait amusé. Hein, si à l'Italie, ça c'était en 2008, était tombé dans les mains des Français, de nombreux touristes seraient allés visiter les châteaux de la Loire au lieu d'une ville d'art. Évidemment que c'est excessif, mais pas tant que ça. Enfin, le marketing territorial est beaucoup basé sur des choses excessives. Et dans le cas de Fiumicino, le fait est qu'on retombe toujours un petit peu sur les mêmes acteurs. Hein, la présence de Benetton, à la fois sur la zone, dans l'aéroport lui-même, ADR, avec différentes sociétés de holding, et puis dans la zone d'agrandissement de l'aéroport, puisque Benetton a arraché la Macarese à Liri. Hein. Et donc ça, c'est quelque chose qui, évidemment, interpelle en termes de développement local, donc non pas par la trop grande complexité, mais au contraire par la trop grande simplicité. Dans un tout autre genre, il est clair que on s'aperçoit que les acteurs circulent beaucoup aussi entre les niveaux institutionnels, hein, entre le niveau local, le niveau régional, etc. Même les associations, entre les associations et les acteurs politiques, il n'y a pas du tout des couloirs étanches. Donc, dans un contexte comme ça, comme le résume le maire adjoint de Fiumicino, Anna Maria Anselmi, elle a une formule que j'aime bien, elle dit « dobbiamo captare certe cose », il faut essayer d'attraper ce qu'on peut, mais on a beaucoup d'incertitudes. Alors, ça se traduit comment ? Ça se traduit à la fois, de temps en temps, par des phénomènes de convergence d'échelle. Alors, on l'a eu, par exemple, au moment où il fallait défendre Fiumicino comme hub majeur italien. Ça a joué, même si la commune de Fiumicino, à l'époque, s'était peu impliquée. Mais ce qui est frappant, c'est plutôt des divergences dans les articulations d'échelle. Alors, ce que j'ai mis ici, alors ça m'a amusé, c'était un poster que j'ai trouvé en vente dans le centre-ville de Rome, c'est I have a dream, en quelque sorte, l'idée, le rêve d'un réseau de transport qui serait maillé. Mais ce rêve, si on le confronte à la réalité, on voit qu'évidemment, à Rome, ce qui domine, c'est plutôt les radiales, hein, avec un vrai problème sur les transversales, et en particulier sur le Tibre, la traversée du Tibre, du point de vue d'une commune comme Fiumicino, c'est vraiment quelque chose qui crée des embouteillages. Et ça, c'est une problématique qui joue à la fois sur les transports et qui joue aussi sur l'accessibilité au site, puisque un des événements, par exemple, du comité pour le parc archéologique, ça a été de créer un pont artificiel sur le Tibre pour favoriser l'accès entre Porto et aussi. Or, qu'est-ce qu'il en est ? Si on regarde la carte des transports, là, on voit que paradoxalement, la ville de Fiumicino, aujourd'hui, par exemple, n'est plus accessible en moyen de transport ferroviaire du centre. Paradoxe, pourquoi ? Parce que si on remonte loin dans le temps, littéralement, Fiumicino a été créé par le transport ferroviaire. Hein, au moment, avant même la bonification, vous avez cette ligne qui est une ligne nationale. Hein, tout ça se fait au moment où se crée l'Italie en tant que royaume, enfin même un petit peu avant. Hein, on était encore dans les états pontificaux. Et sur cette ligne nationale qui va vers Pise, est venue se greffer cette antenne qui desservait Fiumicino, avec à l'époque d'ailleurs un projet de valeur, de un petit peu comme activité avec, hein, de bains de mer, etc. Enfin bon. Et donc, paradoxalement, ici, l'aéroport a privé, en quelque sorte, la ville-centre de son chemin de fer. Et pour le retrouver, la commune, aujourd'hui, se retrouve à espérer l'arrivée de ce mastodonte, hein, qui serait un port commercial, un des grands projets parmi lesquels dont on a parlé tout à l'heure. Et s'il y a un port commercial qui s'implante à Fiumicino, alors peut-être on aurait recréation du chemin de fer. Hein. Et donc une difficulté à mettre ensemble de façon harmonieuse ces différentes échelles. Alors dernier point, si j'ai peut-être fini. Alors je ne vais pas. Ah, ça, je vous montre juste ça pour terminer. Ça vient du Comitato Fuori Pista. C'est là pour revenir sur la carte qu'on voyait tout à l'heure où on voyait l'état de avant les bonifications. Voici, vous avez ici donc la zone d'extension de l'aéroport qui est superposée à ce qu'il y avait avant. Et on se dit qu'effectivement, il y a quand même un petit problème. On peut s'attendre à quelques soucis de niveau de l'eau, peut-être. Mais bon, je ne prendrai pas position. On s'arrête là ? Ou j'ai le temps de parler ? Non, attends, 3 minutes. 3 minutes. Alors, juste, dernier point, alors, dans ces cas-là, en guise de conclusion, la place ambiguë de l'échelle européenne, en guise de conclusion. Parce que l'Europe, ça revient tout le temps. Et ça revient en même temps de façon discontinue. Alors, ça revient déjà au niveau, si je reviens sur ces projets portuaires, au niveau européen, l'Europe joue comme un label. Hein, être réseau transeuropéen, RTE, c'est un label fondamental, par exemple, pour le port autonome de Rome, Civitavecchia. Mais du coup, et d'ailleurs, là, ce que vous avez ici, c'est Civitavecchia, c'est pas Fiumicino. Mais du coup, tous les investissements se concentrent sur Civitavecchia. Pas seulement les investissements RTE, mais aussi, les investissements de la politique européenne de cohésion en matière de valorisation du patrimoine. Alors déjà, ils ne sont pas très importants, ce n'est pas le cheval de bataille de l'Europe, le patrimoine ou la culture, hein, c'est 1,5% des financements, donc c'est vraiment pas grand-chose. Mais le peu qu'il y a dans les financements prévus là, pour 2014-2020, vous voyez, on ne voit pas Fiumicino, on voit en revanche la zone des Étrusques. Et ça, c'est en grande partie l'effet Civitavecchia pour amener les croisiéristes dans ce coin-là. Hein. Et donc, du coup, on peut se dire, voilà, il y a des rendez-vous manqués là aussi en termes de valorisation du patrimoine entre ce territoire local et l'échelle européenne, à la fois pour cette difficulté à articuler c'est quoi la porte d'entrée, comment enfin, articuler le port, la ville, l'aéroport, peut-être aussi une absence d'expérience antérieure. Là, on voit bien que certaines villes, Pomex, par exemple, sur lesquelles j'avais travaillé, moi, plus au sud, a beaucoup plus l'habitude de travailler les fonds européens que Fiumicino, mais aussi par bon, les priorités européennes et les priorités de la région Latium, qui vont beaucoup plus à l'innovation qu'à la valorisation du patrimoine. Et peut-être aussi, je terminerai là-dessus, le fait que finalement, il y avait un outil que la région de Paris et la ville de Paris d'ailleurs utilisent en ce moment, qui est l'ITI, l'intervention territoriale intégrée, qui est une approche territoriale pour le coup, qui avait été utilisée par la région Latium sur la période précédente. Là, vous voyez ici le projet de porte-à-portes, et qui a bien marché d'ailleurs, hein, ceux qui l'ont porté en tout cas en sont très contents, mais qui n'a pas été réutilisé par la région Latium, d'après ce que j'ai compris, parce qu'ils avaient peur que ce ne soit pas assez rapide, pas assez efficace. Et peut-être que c'est là, en l'occurrence, ça aurait été utile, dans le cas de Fiumicino, précisément pour faire ces coutures entre toutes ces échelles, ça aurait été certainement une échelle utile. Donc peut-être pour la prochaine fois. Je m'arrêterai là.